Qu'il soit d'ici ou de n'importe quel parage, moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part et portent dans leur cœur une ville ou un village où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, François de Nantes, voilà pourquoi Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente. J'aime tant vous entendre parler chez vous. Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi. Chaque 1er janvier, on dit, c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant, nous voir faire même serment qui sombre à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car les pays se ressemblent de plus en plus. Et dans 10 ans, nous trouverons dans nos villages des distributeurs de hot dogs au coin des rues. Le whisky m'avait assis dans les bars d'Adélaïde, lorsque l'on garde au palais le souvenir du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie, conscients de leur devoir, à nos enfants, nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera pas celui du terroir. Alors dis-moi, de nos 20 ans, François de Nantes, de nos 20 ans, Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand, et toi Joël de la Charente, nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi.